Oui, voilà. Rebonjour, bonsoir, mes chers amis. Je reviens encore sur l'actualité de notre pays, comme toujours. Et je m'excuse pour la vidéo à l'objet. Oui, que Nazali Banda. Et je croyais que Nazalaki n'a batterie à Yakotunda, mais malheureusement. En plein live, batterie et silaki, alors moyen tout, solito bandeli, sous, et ressort alors la deuxième vidéo. Bon, aujourd'hui, je suis venu juste pour réagir à chaud sur les soi-disant décisions de Félix par rapport à ses frères rwandais. Mes chers amis, na ébité pourquoi bato yo bazali kozwa ba congolais lokola ba idiot. L'armée rwandaise a agressé, selon, ça c'est vrai, selon le porte-parole du gouvernement. Alors, pour réagir na agression, y a bazo soutenir ba M23. Le gouvernement congolais, le régime de Félix, a pris quelques décisions. Nazomo n'a pas de décision, bazuité. Alors, Balobi, suspension, il y a M23, n'a pas de discussion, il y a dialogue, il y a Nairobi. C'est comme si, bah, Congolais, bah, Tinda qui Félix a qu'il Nairobi, a qu'il discuter, n'a pas Rwandais dans Nairobi. Suspension, il y a, bah, vol. Il y a compagnie aérienne rwandaise sur le territoire congolais où ils allaient que ce qui s'engage vraiment yangwana. Mes chers amis, la question que nous nous posons maintenant, Félix a suspendre kaka ma frère naye, il y a M23 naba discussion à Nairobi, a suspendre compagnie aérienne à ma frère naye sur le territoire congolais. Est-ce que Félix a suspendre cobalt ya Congo et kendena raffinerie à Rwanda ou bien ti? Est-ce que Félix a suspendre or Nabiso et kendena raffinerie ya Rwanda ou bien a suspendre ti? Moi, je pense que on est à blaguer avec ba Congolais. Est-ce que Félix a kangi ba frontière Nabiso na Rwanda? Non. Moi, je pense que les décisions, moi, si j'étais à la place de Félix, 1. Suspension des relations diplomatiques avec le Rwanda. 2. Renvoi de l'ambassadeur rwandais, le chasser de notre pays. 3. Suspension, il y a compagnie ou un nion, il y a Rwanda dans le cannabiso, va opérer sur le cannabiso. 4. Divorce avec Nyakeru et on chasse Nyakeru na mboka na biso azonga na Rwanda. Bana to kaboli. To kaboli bana, oyo Anthony, soki Anthony Tshisekedi, mbunzu wana eza ya biso te. Mbunzu wana eza ya biso te. Biso Félix aza Mongol. Anthony aza Mongol te. Mbunzu wana na mona kango mingi na ba plaine ya Gisenyi kuna. Mama na ye akene kolukela ye tata na ye pa na bango na Rwanda. To kangi ba frontière. Et puis, to zali ba africain entre biso ba africain, to meka na nzoto. Mibali ba africain ezala kaka de mo ya koswana te. Boyebi kaka bande ko na biso ba combattant et na sape koto tika na lo ba boyeba ya okalinga na aéroport. Mibali ya bafrike, deux mots, troisième ale, to mekana ka nzoto. C'est tout. C'est tout. Bolandingai, bozwa vidéo o, bo tinde la ye. Ba mesure o ya koyu kozwa. Si réellement, alingi a se racheté. Na ba mbeba nyonsa, ba mouyibi nyonsa o asali na boka. Koko mole a bosa na kana ye. Soko sali o nazali ko rekomande o apesaka ba rekomandasyon te a kritika akaka apesaka ba ide te ide nanga yango 1 relation diplomatique na biso na Rwanda abuo pia jusqu'à nouvel ordre 2 ba frontière na biso na Rwanda fermée 4 compagnie aérienne na bango fermé kobat na biso na Rwanda ezali susuté yako kende te or na biso na Rwanda eko kende susuté comme biso président na biso na mboka na biso mwasi na ye rwandaise divorce nyakeru tokaboli bana Anthony Tshisekedi azwaye mbunzu wana ya biso te e boko mona Rwanda ko senga pardon eza conseil mabe botinde la ye merci beaucoup mais moi momoko sur ce qui se passe na zoyoka o ya Laura Soka ya Laura Soka bazo benge nani c'est un type que je connais pas balobi aza combattant ce qui ya Laura Soka ya Laura Soka ya Laura Soka Kako, semble-t-il, il y a moutou à finasaka Boketchu premier, mais je ne vois pas Batou, vraiment pas Congolais, il faut tout raisonner. Les gens condamnent Boketchu pourquoi? Boketchu a salini. Est-ce que Laurent Sokawana Azali ministre, il y a gouvernement à Wapi, gouvernement à Tshisekedi, il y a gouvernement à Kabila, ou bien Azali ministre na Rwanda? E Boketchu secrètement azwaka mbongo ya kosala litu na ye na gouvernement wana mais non ndenge na zoyo ke la soki Laura Soka azalaka soki na Angola soki atekaka matiti ya Angola ou bien atekaka soki pétrole soki nini mais un citoyen soki azali congolais je le connais pas soki azali congolais a monique non ba activité ba ndeko bazo sala ezali po na mboka na biso Ye moko volontier a tie maboko na poche bande ko bozwa mwa 100 oyo mwa 200 oyo pour bo s'organiser na ba match bozo sana eza po na mboka na biso alors où est la responsabilité de Boketchu Boketchu a salini on peut condamner Boketchu soki par exemple azali ko zo ba mbongo azo organiser na gouvernement congolais na gouvernement rwandais oui to condamner ye mais un citoyen congolais ngai na yo aujourd'hui décision que non Boketchu azo sala musala mala mpona mboka na biso. Boketchu zwa mwa 100 oyo bosomba carburant pona marche. Zwa mwa 100 oyo bosomba mai pona marche. Alors, Boketchu responsabilité na ye za wapi? Les gens qui demandent Boketchu yaka ko s'expliquer. A s'expliquer en quoi? C'est Laura Soka là, si c'est Laura Soka mbongwe silié. Mbongwe silié c'est tout. Alors, il veut en profiter maintenant, le col à Mbongo et Silié, à organiser ma concert, ma zone à ma concert, pour qu'à récupérer Mbongo naïe. Mais non, ce qui, bo salaki contrat n'a pas Boketchu a bimisé la biso contrat au basalaki. Mais, ezali entre les amis, entre les citoyens, au monique moussala bazo salaza malamo, zoa moi 100 oyo, zoa moi 200, ezali commune à $60,000, c'est ton problème. Alors, ce qui a boi a kopé sa sous Boketchu mbongo te, où est le problème? Ba Congolais nde bo va en Europe, moko bo fungwa maka, mitou na bino fungwa maka, ma titi bo melaka wana bo longo la kabambouma. Parce que, na monde oyo, ya des institutions, ezana bisika, ba tu ba pesa ka ba tu mbongo, pona activité populaire ya ba citoyen o bazali offensé bazali mais bino ki camarade na bino boke na okuta na kaka ba combattant ba résistant boke na okuta na ba bar boke na okuta na ba nganda bo melaka bo liaka ya ngwana donc ba club na bino ya résistance et ce sont des gens qui ne sont pas mûrs ba yebi ndenga ko luka mbongo te ko financer makambo etali mboka. C'est pour cela bozo qui est tombé na batoloko la Laura Soka. Mais je dirais ngana ko senga na Boketchu soki azali kolanda koyikolanda vidéo oyo il n'a pas à se justifier. Azu mbongo moko e pa Tshisekedi te, azu mbongo moko e pa Kabila te, azu mbongo moko e pa ba Rwanda te. C'est un simple Congolais a sepela ki na musala na bango, a pesi bango mbongo, ba po ba s'organiser mbongo na pesa ki bango te, oh non, bo kende ko sale loko boy. Alors, soki a boy ko pesa mbongo na ye, a boy akanga munoko na ye. Akanga munoko na ye. Ye mouta finance ka résistance. Ya ebinde ba finance ka résistance. Il a l'argent pour financer la résistance. C'est parce que batou ba yebe résistance ndenge zalite. Ye azana mbongo pour financer la résistance. Azo pe sa exemple musique bangolé ba ba samangwana bazalaki ba pekisa ibangote est-ce que boyoka samangwana na tango bangolé bazo lité boyoki ba musicien angolé bazo finga bolumbu ya basi bangolé na babane ko binisa bana biso mitakala bangolé na babane ko landa bandeko na bana na bango ya 10 ans 15 ans 20 ans bazo violer bango. Ba musicien na bino tango bazo ya na Europe. Qu'est-ce qu'ils font? Soki ba beti concert esili, ba ke na ba hotel na bana na biso na diaspora. Ba ke ko lala na bango. Ba musicien angolais ba bandeko sala makambo wana.